j'ai pris le temps pour t'aimer quand nous étions tous les deux. J'ai pris le temps de te regarder avec la couleur de tes yeux. J'ai pris le temps pour t'écrire des choses qu'on pouvait se dire, qu'on n'avait jamais su partager, entre l'amour et l'amitié. Mais qu'as-tu fait pendant ce temps? La pluie ne cesse de tomber. J'ai beau chercher sans y trouver et sans y comprendre, tu m'avais dit ne cherche pas. La vie n'est plus comme autrefois. Elle est peut-être entre tes doigts, les doigts de l'amour. J'ai pris le temps pour savoir à quoi ressemble l'amour. Parfois, je rêve à me dire pourquoi tant de jours passés loin de toi. J'ai pris le temps au hasard dans une gare, et quelque part j'ai pris le temps qui passait par là pour m'emmener tout près de toi. Mais qu'as-tu fait pendant ce temps? La pluie ne cesse de tomber. J'ai beau chercher sans y trouver et sans y comprendre, tu m'avais dit ne cherche pas. La vie n'est plus comme autrefois. Elle est peut-être entre tes doigts, les doigts de l'amour. Mais qu'as-tu fait pendant ce temps? La pluie ne cesse de tomber. J'ai beau chercher sans rien trouver et sans rien comprendre, tu m'avais dit ne cherche pas. La vie n'est plus comme autrefois. Elle est peut-être entre tes doigts.